Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo pour cette nouvelle heure des loups, édition de l'heure des loups, pardon, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Pour cette nouvelle édition, comme je l'avais annoncé sur la page Facebook, on va parler musique et plus précisément album qui vient de sortir tout juste, ou plus précisément EP. Et d'ailleurs, hein, quand je parle de musique, j'ai forcément Mika avec moi. Bonsoir Mika. Bonsoir Lou, bonjour à tous. Et comme je le disais, si on est là pour présenter un EP fraîchement sorti le vendredi 19 octobre, pour être précise, il s'agit de mettre en avant un EP. Donc, j'ai d'ailleurs passé quelques morceaux à l'antenne. Il s'agit de Pandore pour son EP L'Enfant du Vide. Donc, bonsoir Pandore. Bonsoir. Alors, si tu es là ce soir, voilà, c'est vraiment pour mettre en avant ton travail, ton univers, que les auditeurs de Radio Gémozo te connaissent un petit peu plus et approchent un petit peu mieux ton travail et voilà ce que tu fais, ce que tu écris. Et comme j'aime bien commencer les choses par le commencement, comme tu es un artiste musical, j'aime bien toujours demander en fait comment c'est venu cette passion pour la musique. Eh bien, de base, en fait, j'ai commencé la guitare vers mes 14 ans. Dans une école de musique privée, tout simplement. Et il s'avère que par ce biais, j'ai commencé à vraiment apprécier la guitare. J'ai bossé pendant 2 ans, à peu près 3 ans. J'ai commencé à écrire des chansons. Et puis ça s'est fait un peu naturellement. J'ai rejoint un groupe de rock. Et ensuite, j'ai fait le conservatoire. Et puis j'ai fait mon projet Pandore, là, il y a 1 an et quelques. Et j'en suis à la sortie de mon EP maintenant. Donc c'est ta première en tant qu'indépendant, si je comprends bien. Ma première en tant qu'indépendant, c'est-à-dire. Enfin, ou en tant qu'artiste qui œuvre de manière plutôt solitaire, vu que tu as intégré un groupe avant. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, en fait, c'est la première fois que je me suis dit que je pouvais assumer mon projet seul. Après, je suis quand même accompagné d'une violoncelliste sur scène là, actuellement, mais à la base, c'est vrai que j'ai commencé pendant 6 mois en solo. Et pendant 2 ans avant ce projet, j'avais déjà fait pas mal de scènes en solo sur Lyon. Voilà. Et comme tu parlais de faire de la scène en solo, hein, que bon, je pense les auditeurs l'ont bien compris, tu es guitariste aussi. Qu'est-ce qui t'a mené en fait à t'orienter vers la guitare? Ce qui m'a amené à m'orienter vers la guitare, c'est tout simplement le goût. Bah, à 14 ans, en fait, je crois qu'on a un petit peu. Enfin, j'avais cette espèce de goût-là de vouloir faire un peu de musique. Et puis. J'ai eu envie de faire de la guitare très vite et je l'ai fait assez naturellement. En fait, je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose qui m'a amené à le faire. Peut-être des morceaux d'Hendrix ou des choses comme ça que j'ai pu entendre et quelque chose qui m'a un peu fasciné. Mais c'est vrai que ça s'est fait tellement naturellement que j'aurais pas d'orientation précise à donner sur le pourquoi du comment. Mais en tout cas, ça s'est fait. Tout ce que tu nous as dit là se passe du côté de Lyon, ta ville. Oui, absolument. Et ce qui est marquant, c'est que sur cet EP, hein, on peut appeler ça aussi un mini-album de 7 titres, il y a 2 chansons, 2 morceaux sur Lyon. Celui qui ouvre, c'est Lyon, c'est facile à deviner que c'est sur ta ville, mais l'autre, peut-être tout le monde ne le sait pas, s'intitule Saint-Jean, et c'est un quartier de Lyon. Effectivement, ouais, c'est ce qu'on appelle le Vieux Lyon, tout simplement, donc c'est un des plus vieux quartiers de Lyon en fait. Et c'est un quartier que j'affectionne beaucoup et dans lequel je passe beaucoup de temps, et là où j'ai passé beaucoup de temps aussi pendant mon adolescence. Donc c'était important pour moi d'écrire une chanson dessus. Et où la boucle est bouclée, c'est que vendredi, pour la sortie officielle de cette EP, Enfant du Vide, tu as joué justement dans le Vieux Lyon à Saint-Jean. Absolument, et dans la salle Léo Ferré, oui, effectivement. Et là, donc, on fait coup double, hein. Là, finalement, tous les éléments sont réunis, puisque Léo Ferré, c'est ta cam. Absolument, vous êtes bien renseigné. On peut parler beaucoup de poésie avec toi. Oui, on peut parler de poésie, oui. D'engagement également, comme pouvait le proposer Léo Ferré. Avec, pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. L'engagement aussi. Ah, l'engagement. Oui, alors ça, c'est marrant, c'est quelque chose qui revient souvent, ce terme d'engagement. Après, voilà, moi, j'ai une perception assez particulière de l'engagement dans la musique. C'est vrai qu'on me qualifie souvent d'artiste engagé, et j'ai tendance à dire que j'aime pas trop le terme, parce que pour moi, en fait, on est tous plus ou moins engagés dans quelque chose. Et en fait, que ce soit, par exemple, un Kenji Girac, pour le citer, par exemple, il sera engagé dans sa volonté de faire de la chanson qui serait plutôt, je vais être méchant, je sais pas si c'est méchant de le dire, mais enfin pour moi c'est de la chanson plutôt commerciale, qui est drivée dans ce sens-là, par exemple. Et pour moi, ça reste un engagement. En fait, quoi qu'on fasse, pour moi, on a un engagement politique, et du coup, je me vois pas comme un chanteur plus engagé qu'un autre. Est-ce que tu te sens poète avant d'être musicien, puisque tu as écrit d'abord des textes avant de les mettre en musique, non ? Oui, c'est vrai. Alors, ça dépend, en fait. Alors déjà, je sais pas si je me sens poète. Je crois pas. Je trouve ça un petit peu. Je trouve que c'est un gros titre poète pour moi. Donc je me vois pas me dire que je suis poète. Concrètement, en termes de métrique, etc., de connaissances pures de la poésie, je suis pas non plus assez doué, je pense, pour être qualifié de poète. Maintenant, j'écris des textes, on va dire. Voilà. C'est toujours, pour la compréhension, bien de proposer la définition personnelle de l'invité. Donc, tu nous l'as déjà dit pour engagement et pour poésie. Quelle est ta définition ? Pour poésie. Ah bah ça c'est une bonne question. Mais déjà je pense que la poésie se différencie premièrement par la forme. Si on reste très technique d'un point de vue de la forme, c'est souvent des vers donc, qui sont en forme de quatrain, etc. ou de prose. Maintenant dans le sens et de ce que moi j'appelle la poésie, ça peut être quelque chose de très. Il y a quelque chose de pour moi de mystique et d'émotif, de transcendant, de trancher, de quelque chose qui fait appel à la sensation des mots, à la musicalité des mots, à la mémoire aussi. Donc c'est quelque chose pour moi qui est très très très ancré dans l'émotion et dans la sensation. Quelque chose alors de très baudelairien, du moins par rapport à ce que j'ai lu récemment, on en parlera dans quelques instants. Mika, tu as parlé juste avant du quartier sur lequel, toi Pandore, tu avais fait un morceau, Saint-Jean. Je propose qu'on se l'écoute pour le découvrir et on se retrouve juste après sur Radio Guémozo. Je n'arriverai plus jamais trop tard. Ne reverrai plus la beauté de Saint-Jean. Des chaussures suspendues à des câbles le soir. Le parfum déroulé qui s'échappe des gens. Ton regard un peu fou qui me dit: on se barre vers des îles et sans forme. Et nos cœurs qui se fardent de repousser la nuit. Arriver bien trop tard pour enterrer l'ennui et la faim qui nous tarde. Pour enterrer l'ennui et la faim qui nous tarde. Je ne serai plus l'ivresse des bières et l'amitié promise qu'elle serait à jamais. Les églises fermées car je n'ai pas de père et les fers brisés que l'on porte au poignet. En esclave perdu, en insulte peut-être, en révolte avortée comme un peuple se tait sous la puissance avare et la bête monnaie. Un jour je partirai et tout sera perdu comme une flamme s'éteint. Comme un rêve aperçu. Je n'aurai plus conscience des jours. Et mes souvenirs s'en iront pour de bon. Et les visages de ceux que j'aimais. Et le jour disparu dans le jeu de cette grande moisson. L'on part tous un peu, l'on se bat en vain. Le néant un jour vient bouffer nos chagrins. Se battre pour quoi ? Pour un bout de demain. Pour un bout de nous-mêmes qui nous tiendra la main. Pour un bout de nous-mêmes qui nous tiendra la main. Que l'aube était belle, et que c'est triste à dire, que l'humain à la chaîne s'entretue, se déchire, et que l'aube était belle, et qu'elle n'est qu'une fois, qu'à ma mémoire gravée elle en pâlit le froid, et que rien n'est plus beau à l'aube qu'un crépuscule, qu'une seconde à vivre en oubliant ses heures, où vivant pour rien on attend ridicule, que le temps soit moins chien, que nous ayons moins peur. Un jour je partirai, et tout sera perdu, comme une flamme s'éteint, comme un rêve aperçu. Et vous êtes de retour sur Radio Guémouzo 107FM. Vous avez à l'instant écouté le morceau Saint-Jean du premier EP Enfant du Vide de Pandore, qui est toujours avec nous. Donc on a eu un premier aperçu de ton univers, hein, comme on le disait, très poétique, très baudelairien. Enfin, on reviendra dans quelques instants sur ces termes qui peuvent sembler un petit peu obscurs d'un premier abord. Et oui, d'ailleurs, tant que j'y pense, hein, dans quelles conditions tu te mets pour écrire ? Parce que pour moi, clairement, mais ça c'est juste personnel, c'est de la poésie. Alors oui, c'est de la poésie, je sais pas. Alors moi, je différencie deux choses. Quand j'écris, pour moi justement mes chansons sont moins poétiques que ce que je peux écrire quand je n'ai pas de musique à côté, pour une raison simple, c'est que quand j'écris des chansons, en fait les paroles doivent se mettre, on va dire, doivent suivre la métrique de la musique, et donc par conséquent pour moi elles perdent leur musicalité, enfin les mots perdent leur musicalité propre à la poésie. Donc pour moi, il y a une sorte d'opposition. Après, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée-là. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Donc il y a peut-être des teintes de poésie, parce que c'est un peu quelque chose que j'aime faire, écrire des vers, tout ça. Et ça doit ça doit transparaître dans mes chansons. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas tout à fait des poésies. Voilà. Ça l'est pour toi. Après, petit conseil pour toi et pour les auditeurs, hein, je vous suggère vraiment d'écouter Pandore et après de lire dans votre tête quelques poèmes de Baudelaire. Vous comprendrez où je veux en venir, surtout Les Fleurs du Mal. Mais ça, on en viendra plus tard. Et d'ailleurs, tant qu'on y pense, on n'a pas trop parlé de ton nom d'artiste, parce qu'après tout, Pandore, c'est ton nom d'artiste. Et pour faire la petite parenthèse mythologie, vu que Pandore est un personnage féminin de la mythologie grecque qui a été envoyé sur Terre par Zeus pour punir Prométhée et les humains d'avoir volé le feu aux dieux. Voilà, ça m'est revenu. Et donc Pandore ou Pandora, hein, c'est une femme vraiment magnifique qui a été envoyée sur Terre comme promise aux frères de Prométhée, pardon. Et elle est arrivée avec une boîte contenant les maux et les maladies, donc maux M-A-U-X du monde. Hein. Elle était envoyée, je disais, avec cette boîte, la boîte de Pandore, et quand elle est arrivée sur Terre, elle l'a ouverte. Mais dis-moi, tu n'es pas une femme, tu n'as pas de boîte avec toi, pourquoi ce choix de nom d'artiste très insolite, mais très, oui, très connoté historiquement et mythologiquement parlant? Eh bien, parce que déjà de base j'aime beaucoup la mythologie grecque, j'aime beaucoup j'aime ça, et puis j'aime beaucoup cette histoire de Pandore. Et en fait, d'un point de vue tout à fait métaphorique, on va dire que ça m'avait beaucoup plu, parce que il y avait cette idée, quand on monte sur scène, pour moi, de justement en tant qu'artiste, d'ouvrir un peu cette jarre, cette boîte de Pandore, et d'ouvrir les mots de l'humanité. Il y avait cette ambivalence aussi, parce que dans tous ces mots qu'il y a au fond de cette boîte, il y a aussi l'espoir qui reste au fond, c'est-à-dire que tous les mots s'en vont, enfin se répandent dans le monde, à part l'espoir qui reste au fond, et on ne sait pas vraiment si l'espoir c'est le pire des mots ou si c'est la solution qui ne sort pas. Et je sais pas, voilà, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce mythe, et que j'ai trouvé que ça allait vraiment bien avec ce qu'on peut faire sur scène en tant qu'artiste, de livrer ses mots à soi, d'ouvrir un peu les gens aux mots du monde. Il y a quelque chose qui me plaisait là-dedans, et c'est pour ça que j'ai voulu nommer mon projet Pandore. D'ailleurs, c'est ce qu'on entendra aussi dans d'autres morceaux à toi. Dans ton interprétation, il y a des moments où on sent qu'il y a comme de la douleur ou quelque chose qui doit vraiment sortir. Je pense, j'encourage vivement les auditeurs à rester jusqu'au bout de l'émission pour vraiment découvrir toute l'ampleur de ton travail, hein, pour ton premier EP sorti, je le rappelle, ce vendredi 19 octobre, donc vendredi du week-end passé. Donc voilà, et comme tu le disais, c'est connoté mythologiquement, oui, c'est vrai que c'est plutôt marrant. D'ailleurs, on n'en voit pas beaucoup des artistes qui ont des noms comme ça, connotés mythologiquement. Oui, c'est vrai. Alors après, bah, je saurais pas te dire pourquoi. Mais effectivement, il n'y en a pas tant que ça. Encore qu'il y a Dionysos, il me semble, qui est pas mal. Ah oui, c'est vrai. Qui tourne encore. Qui est-ce qu'il y a dans l'idée Il me semble en avoir vu quelques-uns quand même. Et Dionysos, on parlait de poésie là aussi. Hein. Mathias Malzieu écrit des romans également. Moi je trouve. Après, on en revient aux définitions personnelles, mais voilà, là également très poétique. Quand on parle Pandore, c'est peut-être le moment de dire aussi que on a bien compris les raisons pour lesquelles tu as choisi ce nom de scène, ce nom d'artiste, mais ça peut être un peu embêtant quand on veut te suivre sur Internet. Quand on tape Pandore, on tombe pas forcément sur toi. Donc, je vous dis, vous qui nous écoutez, précisez dans votre moteur de recherche les mots de Pandore. Les mots de Pandore, et vous tomberez notamment sur le site lesmotsdepandore.com. Il y aura aussi, avant, en toute première proposition, la chaîne YouTube, et oui. Sur Facebook également. Oui. Donc c'est bon, hein, y a de quoi faire avec toi, faut juste pas tout, tromper. Il y a Instagram, Facebook, il faut bien mettre les mots de Pandore, M-O-T-S et pas M-A-U-X. T'as regardé l'autre Pandore? L'autre groupe musical qui s'appelle aussi comme ça, t'as oui, écouté? Oui, j'ai vu, oui. Oui, j'ai vu. C'est pas tout à fait comme toi. Non, pas tout à fait. D'ailleurs, quand on fait un petit tour sur Internet, on voit, enfin sur Internet, hein, que ce soit sur ta chaîne YouTube, ta page Facebook, tu es un petit peu décrit comme un mélange entre Baudelaire et Nietzsche. Je pense qu'on va tout doucement parler de ça. Est-ce que c'est toi d'ailleurs qui a choisi cette description-là? Alors non, parce que déjà je me serais pas permis, vraiment, mais j'ai trouvé assez juste dans la mesure où c'est deux grosses influences pour moi, deux personnalités qui m'ont énormément influencé dans mon écriture et dans ma perception du monde, et quand j'étais adolescent surtout, et donc non, ce n'est pas moi qui ai écrit cette bio, mais je la trouvais intéressante et puis assez avantageuse, donc je l'ai utilisée. Et oui, comme on le disait, hein, Baudelaire et Nietzsche sont tous les deux des personnages, pour faire la petite parenthèse historique encore une fois, personnages du 19e siècle. Nietzsche, philosophe germanophone, et Baudelaire, bon, je pense que tout le monde connaît Baudelaire. Et oui, comme on le disait, hein, ce sont deux personnages auxquels tu as été rattaché. Alors j'imagine Baudelaire peut-être pour le choix des textes, hein, dans l'écriture. C'est encore une fois une perception très personnelle, mais quand j'ai lu des poèmes des Fleurs du Mal et que je lisais les paroles de tes textes, j'avais un petit peu l'impression que voilà, qu'il y avait une ressemblance en fait, un petit peu comme si tu avais repris sa plume. Et Nietzsche, j'essaie encore de comprendre pourquoi, mis à part le fait que tu emploies régulièrement le terme de nihilisme. Alors bon, il y a de fortes chances qu'on se plonge un petit peu dans la philo. D'ailleurs, j'ai un petit bouquin de philo juste à côté de moi. Donc, tu es spécialement passionné par Nietzsche? Passionné, c'est un personnage, comme je disais, qui m'a beaucoup parlé quand j'étais plus jeune. Voilà, tout simplement, c'est quelqu'un que j'ai lu. Je devais avoir 17 ans et j'étais à l'école, et ça m'a, enfin, au lycée à l'époque. Et ça m'a beaucoup parlé, j'étais pas très adapté dans ce système-là, et il y avait cette philosophie de vie et en même temps de révolte, de destruction de déconstruction des valeurs, comme je dis, briser les tables des valeurs établies, etc. Ça m'a beaucoup parlé en fait, voilà, j'ai lu Zarathustra, ainsi par les Zarathustra de Nietzsche, et ça m'a, voilà, je l'ai lu, relu, il y a plein de textes qui m'ont vraiment parlé, ça m'a touché, et c'est à partir de là que j'ai aimé sa plume, sa franchise et sa force dans son écriture, et c'est surtout ça qui m'a parlé et qui m'a par la suite inspiré, quoi. Donc c'est si je reprends mon livre, d'ailleurs c'est un petit peu difficile de rassembler, hein, de résumer pour les auditeurs des termes philosophiques, mais en gros le fait d'être nihiliste, c'est de proclamer le rien entre guillemets, hein, une position non constructive extrêmement critique, et encore j'essaie de raccourcir le plus possible, et c'est un petit peu ce qui se ressent dans certains de tes textes. Enfin, j'ai l'impression que t'es assez anticonformiste, anti-système, ou que ça reste sous-jacent. Alors je sais pas s'il faut tout mélangé dans la mesure où en fait le nihilisme du coup c'est surtout le courant de pensée qui consiste à se dire que rien n'a de sens en fait, et que rien n'a de sens et rien n'a vraiment de sens pur. Et ensuite dans mes textes, au contraire, je pense que j'essaie de donner du sens, et c'est pour ça que je dénonce ce nihilisme là comme Nietzsche a pu le faire, dans la mesure où lui il essayait de donner du sens surtout, et il parlait on peut différencier deux types de nihilisme dans l'écriture de Nietzsche, c'est le passif on va dire, et l'actif, celui qui va se défendre qui va dire oui rien n'a de sens mais on peut faire quelque chose. Il y a le nihilisme on va dire un peu qui se laisse qui laisse tomber ses bras et qui dit rien n'a de sens donc ne faisons rien. Et c'est moi je suis plus dans rien n'a de sens mais allons-y. Voilà. Si on doit caricaturer un peu le propos. Oui, si on doit aussi résumer un petit peu ce qui ressort de tes paroles, de ce que tu essaies de transmettre. Et d'ailleurs, je vais proposer aux auditeurs de découvrir un morceau que j'aime beaucoup. D'ailleurs, ça c'est un de mes morceaux préférés, le morceau « Dans l'infini du temps » qu'on s'écoute tout de suite et on se retrouve juste après. Tu as été divisé, politicard de non-acte, clique, clique et reclique si tel est ton souhait, le mien, et de te voir encore assis dans ton porte-monnaie. Pense pas, c'est fatigant, ça use les gens. Irrémédiable progrès pour des filo gadgets qui fait bander les puissants au sommet des jet sets. Produis-moi comme on industrialise. Je ne suis qu'un désir de ceux qui se consumérisent. Viens nourrir tes vices sur la mort des printemps. Ça mange pas de pain, un peu d'ombre dorée, d'obscurantisme, cliquetis de fleurs du vent. Et perds-toi pour toujours dans l'infini du temps. Dans l'infini du temps, le paradis et l'enfer, les visions dogmatiques, ça n'existe pas vraiment. Alors tu peux bien mourir bêtement comme tout le monde. Personne ne te jugera pour tes choix éthiques. Nihiliste à 2 francs, nihiliste gratuit, les deux ne font ni froid ni chaud. L'important c'est la thune et puis les paradis d'artifice n'ont potelérien, mon pauvre salaud. Tu vois, même ta misère est la mienne et le zèle est perdu à qui lit des poèmes. Le boom boom de l'époque, c'est le rythme des gens qui vivent en stock, assuré de papier qu'on n'ose même pas brûler. C'est triste mon Léo, mon pauvre Léo. Je chante ton nom désespéré, mais ça pourrait être Brassens ou Brel. Enfant du vide, c'est bien dommage. Comment nos cris finissent au fond d'une bière. J'ai le cœur en carton d'image. L'enfant que je suis refait la planète Terre. Le genre de carton qui a plus d'importance que tout contenu stérile et plat d'écran HD. J'ai des rêves en catholique et des souvenirs en transe. Où certains pieds poueux battaient le sol l'été. Où les cliquetis des clics étaient déluclés. Où l'anarchie acclame qui n'est jamais tombée. Et où des femmes par des passions ressuscitaient l'amour de l'instant et la joie d'un baiser. De retour sur Radio Guémouzo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, et vous avez à l'instant écouté le morceau Dans l'infini du temps de l'EP Enfant du vide de Pandore. Voilà, ça y est, je reviens, je retrouve mes mots. Et on est toujours avec Pandore et avec Mika pour décortiquer un petit peu ton travail, pour, j'ai pas envie de dire le mettre à nu, mais pour en savoir un petit peu plus, pour entrer dans ton univers, parce que je pense que c'est une bonne chose aussi de savoir un petit peu ce que tu voulais exprimer, ce que tu voulais dire à travers tes morceaux. Et oui, comme tu le disais un petit peu plus tôt, et ça je pense que ça a marqué les auditeurs pour la fin du morceau, il y a une violoncelliste qui intervient dans plusieurs morceaux, enfin un ou une, non ça j'aurais peut-être pas dû dire un ou une. Une, Ouais. C'est une. Et voilà. Je pense que c'est une part importante aussi de ton EP. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette personne avec qui tu collabores ? Eh bien, écoutez, la personne avec qui je collabore s'appelle Jade Neveu. Je lui fais un grand coucou d'ailleurs, si elle nous écoute. Et c'est une violoncelliste avec qui je travaille depuis quelques temps. Sachant que sur l'EP, c'était une autre violoncelliste avec qui j'ai travaillé et qui a arrêté de travailler avec moi. Et aujourd'hui, je suis avec Jade Neveu, donc qui va défendre l'EP, cette EP cette année. Ce que je peux vous dire, c'est que on a fait quelques auditions pour que je trouve une violoncelliste. Ça s'est fait assez simplement par contact, en fait. J'ai demandé si quelqu'un connaissait une violoncelliste. Elle est venue, on a joué, ça a marché, elle a appris le set, on a travaillé ensemble et c'était assez évident. On travaille ensemble et donc aujourd'hui c'est le cas. Pourquoi cet instrument, le violoncelle, pour accompagner ta guitare ? Parce que c'était un instrument que j'aime beaucoup. J'ai toujours été très attiré par déjà le classique et j'aime beaucoup le classique. Alors j'ai pas beaucoup de culture par rapport au classique. Je connais très très peu de choses, mais c'est vraiment je sais que quand j'écoute du classique, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me touche. Et le violoncelle m'a toujours vraiment vraiment touché, surtout sur les passages rythmiques, en termes du le grain de l'instrument, la fréquence, l'ambiance. Voilà, l'ambiance aussi. Ouais, tout. Il y a quelque chose de très très très organique, je trouve, dans le violoncelle, qui est même proche de la voix aussi en termes de fréquence, c'est à peu près sur les mêmes. Et la voix humaine. Et ouais, je sais pas, j'ai toujours entendu ce violoncelle, pas un violon, comme je disais, j'entendais un violoncelle, quoi. Et il s'avère que quand j'ai pu jouer avec un violoncelle pour la première fois, j'ai tout de suite su que c'était ça qu'il fallait que je fasse sur mon premier EP. Et c'est ce que j'ai fait. Ceux qui mettent les mots en avant, moi j'ai toujours l'impression que c'est le violoncelle qui accompagne le mieux cet amour des mots et pour les mettre en évidence, et aussi pour je parlais d'ambiance, la mélancolie également. Oui, c'est vrai, effectivement les instruments comme ça, le violoncelle est vraiment parfait pour ça, dans la mesure où j'ai l'impression qu'il y a une histoire qui est racontée à côté des mots, en fait. Il y a comme je disais, il y a une sorte de... Comment dire, j'ai l'impression qu'elle image le violoncelle image les mots que je vais dire dans ces espaces vides finalement que représente la musique, et c'est hyper agréable d'avoir la douceur du violoncelle ou la rythmique, la violence aussi que ça peut faire ressentir. Je trouve que c'est un instrument qui est émotivement et très fort, en fait. On parlait de Léo Ferré précédemment, et le morceau que nous a fait entendre Lou, Dans l'infini du temps, j'ai l'impression que c'est clairement référencé Léo. Ah oui, tu vois bien, parce que c'est effectivement un morceau, déjà rien que dans l'écriture, qui est de base très que j'ai voulu en prose déjà, qui n'est pas en quatrain. Je sais pas si vous avez reçu l'EP ou quoi, mais dedans, donc dans le petit livret, on voit comment sont écrits les morceaux, et il s'avère que c'est un des seuls qui n'est pas en quatrain, donc qui est vraiment libre, et qui s'est voulu un petit peu dans la veine de Léo Ferré, un peu surréaliste, etc. Et c'était vraiment l'idée, c'était de faire cette espèce de il n'y a plus rien de Ferré, j'ai oublié le titre, mais bon, voilà, dans l'idée, c'est ce truc, c'est très Ferré, voilà. Mais c'était l'inspiration est voulue, et c'était un peu volontaire de lui faire un petit clin d'œil, quoi. En plus de l'écriture, il y a des clins d'œil, justement. Oui, absolument. Je sais plus, pour tout dire, si c'est dans celui-là, parce que je papotais un peu avec Lou tout à l'heure pendant le morceau, et je sais plus si c'est dans celui-là que tu parles du titre de Léo Ferré et Thank You Satan. C'est dans À chaque fois de leurs apôtres, oui. C'est le titre qui est... À chaque fois de leurs apôtres, c'est mon titre que j'ai sorti en clip. Alors, YouTube, ça y est, je m'enflamme, là, je suis enthousiaste, parce que j'ai été surpris souvent dans les albums, où, alors là on parle de mini-albums, c'est un 7 titres, mes titres préférés ne sont jamais les singles ou ceux qui sont mis en avant. Ah ben là, oui. Pour une fois, parce que c'est, comme tu le disais, tu as choisi de le mettre en clip, allez voir sur internet, vous tapez les mots de Pandore, et vous verrez notamment sur la chaîne YouTube, sur le site internet également, ouais, et puis les réseaux sociaux. Et donc c'est le single, on peut appeler ça comme ça ? Oui, on peut dire que c'est le single, disons que c'est le clip qui va... Oui, on va dire un single, allez. Est-ce que Lou, tu as envie de le faire entendre tout de suite et on en parle après ? Alors oui, tu proposes à chaque mot de leurs apôtres, c'est ça. Donc il faut bien que je le mette parce que j'ai un lecteur CD, il faut que je le calibre. Donc on s'écoute à chaque mot de leurs apôtres tout de suite et on se retrouve juste après pour en parler sur le 107. Enfant du vide, il est là. Bon voilà, ça c'est des bêtises qui arrivent quand on fait deux choses en même temps. Je me suis trompée de morceau, ça c'est Enfant du vide qu'on découvre plus tard. Je suis vraiment désolée. Cette fois j'ai le bon, j'ai à chaque mot de leurs apôtres qu'on s'écoute et cette fois c'est le bon. Le cœur à vide, on marche vers rien mais on s'accroche. À chaque lueur que le destin fait pointer à la mort qui s'approche. Je suis poème, je suis morose. Je suis l'élan qui s'entrepose dans le fond des bouteilles vidées. J'ai tout gardé de mes rêveries. Elles sont décédées d'insouciance. Et dans chacun de mes paradis, ne reste que l'enfer qui danse. On partira, je te l'ai dit. Au-dessus du réel des autres, à chaque instant de nos dépits, à chaque mot de leur apôtre. À chaque mot de leur apôtre. On nagera les firmaments, à la lie boire les larmes du temps. On goûtera des poèmes exquis, à nos bouches les embrassant. Sur des rythmes organiques, insultes, modernisme obsédant. On chantera satanique, la pastille, thank you Satan. On partira, je te l'ai dit, au-dessus du réel des autres. À chaque instant de nos dépits, à chaque mot de leur apôtre. À chaque mot de leur apôtre. On se fera guerrier du sens dans les tripes pourries du stagnant. Puisque la combustion de l'essence fout le feu à l'air du sang blanc. Déjà petit, nous songions grand à des cathédrales debout. Et puis la paresse du temps nous a fait poser le genou. On partira, je te l'ai dit, au-dessus du réel des autres, à chaque instant de nos dépits, à chaque mot de leur apôtre. À chaque mot de leur apôtre. À chaque mot de leur apôtre. Et vous êtes de retour sur Radio Guémouzo 107FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, et vous avez à l'instant écouté le morceau À chaque mot de leurs apôtres, toujours de l'album Enfant du vide de Pandore, d'ailleurs Enfant du vide qu'on écoutera en entier un petit peu plus tard je pense dans l'émission. Oui, donc Mika, ça c'est un morceau que tu as particulièrement aimé si je ne me trompe pas. Eh oui, Pandore, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et notamment le clip. Alors pour ceux qui le verront, j'ai envie de dire, il est question de road trip. D'ailleurs, c'est le titre d'un autre de tes morceaux de ce mini-album. Moi, il y a eu des clins d'œil là aussi hein, qui m'ont fait, que j'ai bien aimé. Par exemple, dans ce clip, vous verrez à un moment un gros plan, et c'est bien joué, sur un ouvrage de poésie qui s'appelle « L'ivresse et l'oubli ». N'est-ce pas, Guillaume ? Absolument. Tu as l'œil. C'est ton recueil de poésie ? Absolument, ouais. J'ai sorti un recueil de poésie en autoproduction il n'y a pas longtemps. Et voilà, donc il est en édition un peu limitée, tout ça. C'est quelque chose qui est plus d'ordre personnel que du coup lié au projet. Je l'ai publié au nom de Guillaume Payet, Papandore. Et donc c'est quelque chose voilà, qui ce sont mes poésies que j'écris depuis un moment, que j'ai travaillé. Donc c'est quand même quelque chose vraiment d'autre, une autre facette de ce que j'ai fait en tant que personne cette fois. Voilà. J'aime bien la couverture rouge. Moi aussi. Et effectivement, bah, le rouge, c'était, je trouve que c'est tellement parlant, le rouge, en fait. Mais c'était vraiment j'avais vraiment ce visuel du livre rouge qu'on a. Je sais pas, moi, quand je vois un livre rouge, ça me donne envie de l'ouvrir. Il y a quelque chose de passionnel, il y a quelque chose qui me parle beaucoup et je voulais vraiment que ce soit rouge, quoi. Pourquoi tu fais pas la liaison à chaque mot de leurs apôtres? Je le fais à la fin. En fait, et ça, en fait, tout le long du morceau, normalement, je le fais pas sur tous les couplets, mais je le fais à la fin parce que je voulais que chaque personne puisse s'y retrouver et qu'à la fin il y ait une sorte d'ensemble. Donc en fait, comment dire, que ce soit que chacun puisse s'y retrouver, voilà, que ce soit personnel et que ce soit à la fois multiple et individuel. Par rapport au clip de ce morceau, on voit des endroits de ta ville, Lyon. Oui. Je crois qu'à un moment, tu es sur le parvis de la basilique de Fourvière. Oui, c'est ça. Et sinon, y a d'autres endroits qui étaient importants pour toi de mettre dans ce clip, et quels sont-ils ? On est allé en fait vers Anverieux-en-Bugey, là où réside mon père, et c'était assez important pour moi d'aller là-bas. Il y a notamment la scène du feu qu'on a fait vers chez lui. Il y avait quelque chose aussi du retour aux sources, de l'éloignement par rapport à la, enfin vis-à-vis de la civilisation, on va dire, de l'urbanisme, quoi. Et c'était assez important pour moi d'aller vers Anverieux, vers chez mon père, pour faire ça. C'est bien ce que je disais, un road trip. Oui, un road trip, effectivement. Alors ça, c'était une question aussi, on va dire, de métaphore. C'est-à-dire qu'on aurait fait road trip, ça aurait été peut-être un petit peu évident et, j'allais dire, presque lourd, alors que sur chaque mot de leurs apôtres, finalement, il y a aussi ce désir de partir. Et c'est, j'ai trouvé ça intéressant qu'on l'image comme ça, sachant qu'en plus, road trip, en fait, ne parle pas d'un road trip, en vérité. Donc c'est pour ça que c'est un peu... imagé, et je voulais pas, voilà, avoir quelque chose de très premier degré. L'origine de ce morceau À chaque mot de leurs apôtres. Oui. L'origine de ce morceau, c'est une bonne question, c'est un moment que j'ai dû l'écrire, mais il me semble que c'était en fait, ça part surtout d'un désir d'avancer. Voilà, d'un désir d'avancer. Peut-être que je devais avoir arrêté mes études pas longtemps avant et que je me lançais peut-être un peu dans la musique quelques temps après. Il y a, je pense qu'il y avait, voilà, ce désir de partir et d'aller plus loin que ce pourquoi j'aurais dû être prédestiné. Parce que dans la liste de titres que tu proposes dans cette EP Enfant du vide, il y en a qui étaient écrits depuis longtemps. Oui, bah, Road Trip, Enfant du vide, il y a certains morceaux que je jouais sur les scènes de Lyon avant de les mettre en EP, enfin sur une galette, quoi. Et effectivement, il y a pas mal de morceaux. Enfin, j'ai écrit beaucoup de morceaux, donc il a fallu filtrer parmi tous ceux que j'avais écrits. Il y en a certains qui ont été écrits plus récemment et d'autres moins. À chaque mot de leurs apôtres est une des plus récentes. Et par exemple, Enfant du vide est un peu plus vieille, Road Trip également. Voilà. En furetant un peu sur le net, j'ai été surpris effectivement qu'il y ait déjà autant de titres à ton actif, des titres qui ne sont pas encore sortis. Je ne sais pas si tu les feras paraître un jour sur un mini-album ou un album. Et malheureusement, on ne peut plus les écouter, alors qu'avant, c'était le cas sur la chaîne YouTube. Et je parle notamment des titres de ta première maquette. Oui, effectivement. Alors, ma première maquette, je ne sais pas si c'était vraiment une première maquette. J'ai eu une période, en fait, où je faisais beaucoup d'enregistrements chez moi. Tout simplement, j'avais un micro et je m'enregistrais de chez moi. Et je balançais ça sur Internet. Mais comme ce n'était pas extrêmement professionnel et que j'avais envie de partir sur de nouvelles bases, parce que c'était aussi un ancien nom que j'avais avec un groupe à l'époque, que j'avais gardé en solo. C'était un peu brouillon d'un point de vue de la communication, d'un point de vue de plein de choses, et j'ai voulu tout simplement repartir un peu à zéro avec Pandore, et c'est pour ça que j'ai eu envie de laisser uniquement les titres qui sont pros, qui sont enregistrés dans des bonnes conditions et qui donnent le meilleur de ce que je peux faire, et pas des titres enregistrés à la va-vite chez moi, même si, bon, effectivement, ça peut avoir un charme. J'avais envie de faire quelque chose de pro. Lou et mesdames et messieurs, écoutez quand même un certain titre de Pandore. La fumée des goélands, lacérer mon âme, l'enfer est ici, à Séguier. Et France debout, alors ça m'a fait sourire, à rien à voir avec Dupont-Aignan. c'est pas à l'inverse, France debout. De quoi, rien à voir avec Dupont-Aignan. Non, rien à voir. Rien à voir. Effectivement, oui, tu as raison, mais je l'ai écrit, il me semble que je l'ai écrit bien avant. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais pour être honnête, non, ça n'a rien à voir avec lui. Est-ce que ces titres-là, tu pourrais les retravailler, justement, tu parlais de manière professionnelle, est-ce que, ou alors ils sont perdus à tout jamais? Non, ils sont pas perdus à tout jamais, je les ai toujours en tête. Maintenant, voilà, oui, effectivement, il faudrait les retravailler, parce que c'est des choses que j'ai fait bien avant, et en termes d'arrangement et de connaissances et de, on va dire, tout simplement d'expérience, des chansons que j'ai fait il y a longtemps et maintenant je referai sûrement pas exactement pareil. Mais par exemple, il y a voilà La fumée des goélands, c'est un titre qui me parle beaucoup, je l'ai rejoué il y a pas longtemps et c'est toujours ces titres-là qu'on laisse un peu dans l'armoire parce que ça fait un bail et en fait quand on les rejoue, on se rend compte qu'elles sont toujours d'actualité et qu'elles marchent. Et je pense que oui, il y a des chances pour que je les ressorte quand même. En parlant de titres qui peuvent être toujours d'actualité, alors là, je ne vais pas parler d'un titre que tu as écrit, mais que tu as interprété. Il s'agit d'un morceau de Léo Ferré, comme on a dit un petit peu plus tôt, tu aimes bien Léo Ferré. Et j'ai vu en faisant un tour sur ta chaîne YouTube que tu as réinterprété le morceau La mémoire et la mer. Oui, effectivement, je le réinterprète dans mes spectacles pour cette EP. Et donc pour cette EP, même pour faire une petite pause, pour entrer dans ton univers et dans l'univers même d'un artiste qui te plaît, je propose qu'on s'écoute un morceau de Léo Ferré cette fois, le morceau originel La mémoire et la mer, si ça te tente. Ah oui, c'est bien. Alors on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après. S'il veut bien se lancer, parce que la technique, elle a pas envie là. Excuse-moi Lou, non, mais parce que j'ai envie d'à nouveau citer une anecdote, parce qu'à chaque fois je suis un peu sur le cul quand je ne l'ai pas vécu, mais Léo Ferré est venu jouer dans notre petit bled, en tout cas la commune qui accueille Radio Gemozo à Saint-Étienne-les-Remiremont, et Léo Ferré était venu jouer dans la salle polyvalente, et moi ça m'étonne toujours de penser ça, et en plus j'ai discuté avec certains qui l'ont vu à ce moment-là, et il jouait, et je crois qu'il n'y a pas eu que le seul concert là, hein, mais il jouait cette fois-là avec une bande orchestre. Il n'y avait personne pour l'accompagner. D'accord. Ah bah dis donc, mais bien, merci beaucoup Mika pour cette parenthèse, temps de régler le problème technique. Cette fois, on s'écoute le morceau La mémoire et la mer de Léo Ferré et on se retrouve juste après. La paix dans le cœur qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau qui dépend quand la réforme. C'est si profondément désémité. J'en laisse tout de suite trop beau. Mon esprit divin, ça va de compte dans ce bruit. Bon, la technique est vraiment pas de notre côté ce soir, toujours sur l'antenne de Radio Gemozo avec La mémoire et la mer. Donc, Le choix pour l'écouter, c'est ou de chercher par vous-même ou d'aller voir Pandore en concert, il la reprend. Le plus simplement du monde. Voilà, c'est ce malheureusement, il n'y a pas de concert près de chez nous, dans les Vosges. Ah, tu viens c'est pas. Vrai, tiens, t'as pas de tournée de prévue dans l'Est hein. Non, pas encore, mais c'est en train de se faire. Y a pas mal de collaborations qui sont en train d'être vues et on va sûrement venir défendre l'EP un peu de partout en France. Donc voilà, il faut juste être un peu patient et d'ici là écouter l'EP et voir si ça plaît déjà. Et puis ensuite, normalement, on devrait s'arranger pour essayer de passer le plus possible. C'est l'idée, voilà. Maintenant, il faut que les choses se fassent et ça devrait arriver. Oui, puisqu'on le rappelle, hein, l'EP de Pandore, qui s'appelle Enfant du vide, est sorti vendredi dernier. Donc, il y a quelques jours. Et quand tu parlais de collaboration, moi, j'ai relevé notamment une collaboration sur l'album, ou en tout cas, peut-être pas directement, mais je crois qu'il t'a bien conseillé. Michael Furnon de Mickey 3D. Alors il m'a bien conseillé, c'est un grand mot, pour être vraiment plus honnête, en fait j'ai enregistré dans un des studios qui lui appartient à Montbrison parce que j'avais gagné un tremplin qui s'appelle le Festival des Polissons, et comme c'est son studio, c'est une sorte de maison studio assez incroyable, d'ailleurs vraiment très très jolie, j'ai enregistré avec un de ses ingé-sons, Et j'ai eu la chance de le croiser parce que c'était la Coupe du Monde et qu'il venait regarder la finale avec ses copains, je sais plus du tout. Il venait regarder un match que je suis pas du tout foot, alors je me rappelle même pas de ce que c'était, mais en tout cas voilà, il venait regarder le match et donc on a eu on a mangé ensemble, on a discuté, et c'était assez enrichissant. Alors après il a pas eu son mot à dire sur le P non plus, mais c'était une belle rencontre. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait sourire, puisque lui est stéphanois et toi lyonnais. Et pour ceux qui aiment le foot, ils savent que normalement, ça ne va pas ensemble, un stéphanois et un lyonnais. Oui, bah, je connais bien cette théorie. Mais toi, tu t'en fous. Moi, je m'en fous, voilà, que tu dis. C'est vraiment, le foot, c'est pas... Comment dire, déjà, j'ai horreur du nationalisme et de ce côté, on va dire, très chauvin. J'aime pas, et voilà, comme disait Brassens, c'est les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, et bon, je suis pas trop pour, ça m'amuse, mais je me sens pas représenté par une équipe de foot, personnellement. D'ailleurs, ce qui ressort aussi un petit peu dans tes textes, je pense, hein, si je ne me trompe pas, c'est que t'es quelqu'un de plutôt épris de liberté de penser, liberté d'être toi. Contrairement, comme tu le disais juste avant, t'es pas trop le fait d'être dans une vague nationaliste. Je me méfie un peu de l'esprit de groupe et de l'esprit de foule, de la psychologie des foules, de tout ça. J'ai tendance à m'éloigner de tout ce qui rapproche trop de personnes. J'aime bien penser par moi-même et essayer de voir ce qui se passe sans avis de quelqu'un, sans sensation de groupe. Je pense que souvent on fait des choses absurdes quand on est à plusieurs parce qu'on réfléchit moins. Et pour moi, après on peut tout à fait être libre, mais bon, être libre c'est quand même pour moi être un peu seul, quoi. Voilà, dans l'idée. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Et comme on le disait, d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui est important d'être mis en avant. Ton EP s'appelle Enfant du vide. D'ailleurs, il y a un des morceaux qu'on écoutera enfin qui porte ce nom. Pourquoi avoir choisi en fait le nom de ce morceau en étant titre de ton EP ? Parce que c'est un morceau qui est aussi concept. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi. Et là, pour le coup, c'est un petit peu par rapport à Nietzsche. Parce que lui, il parle des esprits libres, c'est-à-dire qu'il parle à des gens qu'il appelle des esprits libres. Il faut savoir qu'à Nietzsche, à une époque, de ce que je sais de lui, peut-être qu'on contredira, vivait dans une certaine misère et avait beaucoup de difficultés à faire connaître ses œuvres, etc., à les vendre. Je crois qu'il les donnait même à ses amis, enfin, il était un peu en galère, on va dire. Et il écrivait, en tout cas, voilà, pour des gens qu'il appelle les esprits libres, et il dit qu'il sait pas si ces gens-là vont... existent ou existeront un jour, il n'en sait pas vraiment grand chose, mais il écrit pour eux. Et c'est un concept qui me plaisait beaucoup déjà, et donc moi j'avais envie de créer un concept un peu comme ça dans ma chambre. Ça m'a donné une raison d'écrire pour quelqu'un, et j'ai eu envie d'appeler ces gens les enfants du vide. Pas de par l'époque, parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose d'assez vide, de très superficiel, et il manque du sens dans beaucoup de choses, à mon avis, aujourd'hui, et le sens qu'on donne est parfois assez idiot, pas plein de choses à mon avis, il y a des choses sur lesquelles il faudrait réfléchir, mais voilà, c'est mon point de vue. Et puis, il y a cette idée d'être une humanité sur une planète, sur un caillou finalement, dans un vide total, puisque l'espace est fait en majorité de vide. Et donc, de qui sommes-nous les enfants? Y a-t-il un dieu? Et je sais pas, cette théorie du Big Bang, je vais très loin, mais c'est un concept qui va très loin. Cette théorie du Big Bang, avant ça, qu'est-ce qu'il y avait, quoi? Avant ce Big Bang, y avait-il quelque chose? De quoi sommes-nous venus? Voilà, l'enfant du vide. Ce que ça veut dire pour moi et pourquoi avoir choisi ce morceau, parce que je m'y retrouvais beaucoup et que c'est un concept à part entière de ce que j'ai voulu créer dans ma musique. Et d'ailleurs, je propose même qu'on s'écoute ce morceau en même dernier morceau de l'émission Enfant du vide, tiré de l'EP du même nom de Pandore qui est toujours avec nous. Et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Enfant du vide, il est l'heure de faire tomber le nihilisme, dur de son trône vainqueur. De ne plus en être le prisme. Tu es liberté dans ton cœur. Parfois c'est vrai un peu le vice. Voilà pourquoi les gens ont peur. Car de l'humain ils sont les fils. Albatros planant dans les nuages. Traités de fous et mis en cage. Combien de larmes pour leurs erreurs. Combien de rires à leur malheur. Faut bousculer le temps du plein. Faut rejeter les antirides. Sortir les gens de leurs écrans. Faut se lever, enfant du vide, je te connais. Osé du camp et pris du rire, à qui tu tendais ton carnet, à qui tu crachais ton sourire, à ces blessés qui se croyaient pleins et qui n'étaient qu'avides, à ces fous qui se croyaient pleins. Tu n'étais qu'un enfant du vide. Je sais mes mots ne changeront rien quand la solitude te guide vers des tableaux parisiens. Je sais le goût du souvenir quand l'injustice semble si grande qu'elle passe quand même inaperçue. Quand on se dit qu'il faut se rendre, quand on se laisse pour vaincu, n'abandonne pas, je t'en supplie, ton âme à ces faussaires de rien. Le monde est mort à ceux qui plient, et il nous faut construire demain. Enfant du vide, il est l'heure de faire tomber le nihilisme, dur de son trône vainqueur, de ne plus en être le prisme. Tu es liberté dans ton cœur, parfois c'est vrai, un peu le vice. Voilà pourquoi les gens ont peur, car de l'humain ils sont les fils. Albatros planant dans les nuages, traités de fous et mis en cage. Combien de larmes pour leurs erreurs, combien de rires à leur malheur. Faut bousculer le temps du plein, faut rejeter les antirites, sortir les gens de leurs écrans. Faut se lever, enfant du vide, je te connais. Osé du camp et pris du rire, à qui tu tendais ton carnet, à qui tu crachais ton sourire. Et c'était Enfant du vide de l'EP Enfant du vide de Pandore, qui est sorti le vendredi 19 octobre. Hein, Pandore qui est toujours avec nous, et Mika bien entendu. Et oui, comme on le disait juste avant la pause musicale, hein, tu le disais, ce morceau s'adresse un petit peu à ces enfants du vide, ces gens, comme tu le disais, hein, t'es allé très loin, venu du Big Bang, mais tu faisais aussi un parallèle avec la société très superficielle. Enfin, j'essaie de rassembler rapidement tout ce qui est contenu là-dedans. Mais il y a tellement de choses. Et encore une fois, on repère encore Nietzsche parce que tu as parlé de nihilisme. On repère à nouveau Baudelaire parce qu'il y a un de ses poèmes qui s'appelle Albatros et sur, je crois, la douleur du fait d'être poète quand on n'est pas dans son élément. Enfin, on ne va pas s'égarer là-dessus, mais encore une fois, ça rassemble vraiment aussi tout ton travail, tout ton univers, en fait, ce morceau Enfant du vide, qui est, je le rappelle, aussi le titre de ton EP. Donc, c'est vraiment c'est ta première et ta quatrième de couverture. Oui, c'est ça. Le plus simplement du monde. Comme on disait juste avant, ou un petit peu plus tôt avec Mika, comme on voit l'heure qui tourne, ça va être le moment de parler actu et dernière chose. Dernière chose. Donc, on parlait de tournée. Donc, pour l'instant, ta tournée n'est pas encore finie d'être prête, ou en tout cas, tu sais pas quand tu seras dans l'Est avec nous, c'est ça? Bah, c'est-à-dire que, pour être honnête, tout a été assez rapide. Là, ça fait un an et quelques que Pandore existe. En un an, on a fait beaucoup de choses et on a sorti un EP. Il y a eu beaucoup d'aboutissements. On a encore des dates qui vont arriver quand même le 10 novembre, si je dis pas de bêtises, pour le Petit Pommet à Lyon. On va être sur Paris vers le 20 novembre. Il faut tout regarder sur Internet, c'est les mots de Pandore. C'est www.lesmotdepandore.com, tout est dessus, sur ma page Facebook également, mais voilà, il y a des dates qui arrivent. Maintenant, une tournée en tant que telle, on est en train d'y penser très sérieusement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui allait tellement vite que on n'est pas encore totalement prêt, mais ça arrive. Et on espère bien défendre cette EP un peu de partout, donc voilà, il faut nous suivre, et on arrive, voilà. En parlant d'un peu de partout, hein, comme tu le disais, tu fais des concerts, mais tu as aussi fait des premières parties, dont, comme j'ai vu aussi sur YouTube, que les auditeurs pourront voir aussi à leur tour, une première partie d'un concert de Julien Doré. Oui, effectivement, j'ai fait la première partie de Julien Doré à Limoges, au Grand Théâtre de Limoges, devant 1500 personnes. C'était un grand moment pour moi. C'était vraiment une superbe expérience. Il a aussi partagé un moment avec moi au piano. Moi, j'étais à la guitare sur un de mes morceaux, justement sur le morceau Enfant du vide. Vous pouvez aller le voir sur YouTube si jamais les auditeurs sont intéressés. C'est tout sur YouTube, cette première partie. Il y a mes morceaux, je suis en solo cette fois. Mais voilà, tout y est. Et c'était vraiment un très très bon moment pour moi, un grand moment et un moment important, je pense, dans ce que j'ai pu faire artistiquement. Tu le disais, on peut la voir, cette vidéo de la première partie de Julien Doré. Vous tapez, hein, les mots de Pandore. et notamment vous tomberez sur la chaîne YouTube. Et moi j'ai adoré une vingtaine de minutes. Déjà ce qui m'a plu, c'est que ça a l'air d'être un chic type ce Julien, puisqu'il te présente à son public, il ne t'a pas laissé, je dirais, en pâture, parce que des fois c'est un peu dur les premières parties, les gens attendent l'artiste qu'ils viennent voir. Là, quand l'artiste adoube en quelque sorte la première partie, vient la présenter, forcément ça passe tout seul ensuite. C'est vrai, c'est très très délicat et bien vu de sa part ce qu'il a fait sur cette tournée, vous et moi, et ouais, je l'en remercie, c'était vraiment bien, c'est vraiment quelqu'un de ce que j'ai pu en voir, de très très très humain, de très très, je sais pas, modeste et humble, et c'était hyper agréable de partager la scène avec lui, de les coulisses également, et c'était cool quoi, vraiment. Et comme tu le disais, hein, à la fin, vous verrez à la fin de cette première partie de Pandore, Julien Doré l'accompagne au piano pour le titre « Enfant du vide ». Comment ça s'est passé? Comment tu en es arrivé à jouer en première partie de Julien Doré? Eh ben, grâce à mon manager, mon super manager Limougeot. Voilà, donc c'est lui qui a réussi à décrocher ça, et je le remercie d'ailleurs, on lui passe le coucou s'il m'écoute. Tu te retrouves un peu en Julien Doré par l'écriture? Non. Non. Pour être honnête, non, je me retrouve pas en Julien Doré dans l'écriture. Maintenant, de ce que j'ai entendu, en fait, de base, je connaissais pas énormément Julien Doré. Je l'ai suivi sur Nouvelle Star. Je me rappelle à l'époque, j'étais adolescent, je voyais ça à la télé, etc. C'est quelqu'un qui me plaît de ce que j'ai vu de lui. Humainement, ça a l'air ça me parle beaucoup. D'un point de vue artistique, je connais assez mal, mais je n'ai rien à en dire de particulier. Maintenant, dans l'écriture de ce que j'ai vu, puisque du coup j'ai pu assister à son concert, son dernier concert, où il y a vraiment certaines chansons qui me parlent beaucoup et d'autres qui me parlent moins parce que je les trouve plus qui toucheraient plus un large public, qui sont moins précises dans l'écriture, etc. Mais voilà, après ça c'est une question peut-être de point de vue et de volonté quoi. Après, je pense par contre que c'est un très très gros artiste qui sait exactement où il va, quel pas il fait, etc. Pour l'avoir vu faire, c'est assez impressionnant de voir la qualité de son travail, quoi. Et on te souhaite d'ailleurs de tout cœur d'avoir une carrière aussi belle que la sienne, hein, vu que la tienne en est à ses débuts, et de très très très beaux débuts d'ailleurs. Donc comme tu le disais un petit peu plus tôt, tu as une page Facebook, donc Pandore, une chaîne YouTube Pandore, et un site internet www.lesmotsdepandore.com qui seront tous indiqués dans le podcast de l'émission, tant sur Facebook que sur notre site radiogemozo.eu. Et oui, dernière chose, tiens, j'y pense, si un auditeur hésite peut-être à se lancer à peur un petit peu de sortir de sa coquille, qui se sent un petit peu différent du monde et qu'il a peut-être quelque chose à dire, à exprimer, qu'est-ce que tu lui dirais? Ça risque de dépendre de ce que c'est. J'aimerais pas conseiller quelque chose de mal avisé à quelqu'un qui voudrait faire quelque chose de mal avisé, mais qu'est-ce que... J'ai une idée, Pandore. J'ai une idée parce qu'en voyant ton parcours sur Internet, moi j'ai vu tout à l'heure, t'as nommé Polisson, le tremplin, et toi tu participes à pas mal de tremplins. T'avais gagné aussi à tout bout de champ, et ensuite il y a eu un accompagnement. Oui, absolument. J'ai gagné un tremplin. J'ai gagné le tremplin à tout bout de champ, qui est une salle un peu plaque tournante de la chanson à Lyon. C'est une salle importante que dans le réseau indé, qui est bien connue du réseau indépendant. Français a priori, donc ça m'a permis de faire aussi la première partie d'Alipsy HK d'ailleurs, qui est aussi un artiste indépendant moins connu que Julien Doré, moins national on va dire, mais malgré tout quand même bien connu aussi dans le réseau indépendant. Il est passé sur France Inter il y a pas longtemps, etc. Et ça m'a permis de belles opportunités aussi de gagner ce tremplin. Et Alipsy HK est venu déjà jouer ici dans le coin, donc ceux qui nous écoutent sauront certainement de quoi tu parles. Ça peut être un bon conseil, participer au tremplin, vous jeunes artistes. Ah, d'accord, excuse-moi, voilà, j'étais pas sûr de ce que vous vouliez me demander, mais oui, effectivement, si vous avez envie de monter sur scène, allez faire des tremplins, et n'hésitez pas à y aller. Il faut y aller, même si c'est dur, même si le stress est là, il faut se lancer. Les choses ne sont pas simples au début, et c'est important de les apprivoiser, donc il faut pas hésiter, quoi. Et ça peut toujours être le début d'une très très belle histoire. Mais ça y est, on entend déjà le générique qui débute, donc oui, malheureusement il est déjà presque 19h. Donc avant de se dire au revoir, Pandore, on va déjà faire la programmation de la soirée comme d'habitude. On retrouve alors pour la prochaine émission François à 20h pour le calendrier des esclavages et des libérations. Et sinon on se retrouvera demain matin de 7h à 8h pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Pour ceux n'auront pas la patience d'attendre demain matin, elle sera aisément écoutable et téléchargeable, comme je le disais, sur notre page Facebook Radio Guémozo ou sur notre site internet radioguémozo.eu, rubrique émission et rediffusion, puis l'heure des loups. Et pour l'écouter ou la télécharger hein, sur ordi, tablette, smartphone, tous les systèmes d'exploitation, ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Et demain matin, donc comme ce sera mardi, on retrouvera l'IA pour ses minutes bonheur à 8h et 8h30, la matinale de Marion qui vous racontera le programme de la journée de demain. Demain, on va parler culture avec la médiathèque de Remiremont qui annoncera le programme de novembre et décembre, hein, le programme culturel du secteur. Donc, soyez présents à 18h sur le 107. En tout cas, Pandore, merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes de l'univers et même un petit peu les portes de ton cœur pour ton premier EP Enfant du Vide hein, qui est, j'imagine, présent dans les bacs. On le trouve aisément sur Internet, sur YouTube pour l'écouter, pour en savoir plus sur toi. C'était vraiment un très très bon moment passé avec toi et aussi merci à toi Mika. Merci à vous deux, Lou et Pandore. Merci à vous. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir et merci aussi aux auditeurs d'avoir écouté l'émission jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous remercie. On se retrouve demain, même heure et bonne soirée à tous. Ciao. Bonne soirée.